Sortie culturelle. Les Bouquins d'abord vous présentent Sortie culturelle au Salon international du livre de Québec. Bienvenue à cette cinquième et dernière sortie culturelle au Salon du livre de Québec. On est vraiment devant le public, on est sur place. Vous êtes avec Barbe Reinke et Julie Collin. On va mener encore 8 entrevues aujourd'hui. On en a rencontré des auteurs. Aujourd'hui, on va rencontrer Stéphane Savard pour Denis Vaugeois Entretien, Anne-Marie Saint-Cerny pour Mégantic, Sabrina Philippe pour Et que nos âmes reviennent, Laurence Leduc-Primeau pour Zoologie, Marie-Claude Martel pour Comment se débarrasser du marié, Elsa Pépin pour Dans le ventre, Daniel Grenier pour une traduction de Wallace Thurman, Les enfants du printemps, et Nicolas Giguère pour Quelqu'un. Et je pense qu'on ne perdra pas plus de temps, on va les gagner en entrevue, on va faire une petite pause musicale et on vous revient avec Stéphane Savard. Donc, tel qu'annoncé il y a quelques secondes, je suis en compagnie de Stéphane Savard. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Madame Collin. Madame Collin, excuse-moi, c'est drôle. On se connaît pour vrai, quand même. Donc, tu as écrit un livre sur Denis Vaugeois, Entretien, un livre de plus de 300 pages, assurément, où est-ce que tu t'es entretenu pendant une vingtaine d'heures, 21 heures environ, oui, avec ça. Denis Vaugeois. Suite à quoi il y a eu des verbatims qui ont été écrits et suite à quoi tu as vraiment reformulé ça pour que ça soit lisible et agréable à lire. Pourquoi Denis Vaugeois? Bien, d'abord, il faut comprendre que ce livre, il est tiré de la collection Trajectoire, donc qui permet justement à des auteurs ou à des chercheurs comme moi, par exemple, d'aller faire des entretiens avec des bâtisseurs du Québec contemporain. Moi, je suis un historien. Je m'intéressais à un parcours d'un historien qui a pu s'engager également dans la cité. Alors, rapidement, c'est la figure de Denis Vaugeois qui s'est imposée à moi comme cet historien, non seulement un chercheur donc, qui a travaillé en histoire, qui a publié des livres d'histoire, mais qui est largement reconnu également pour son côté grand public, donc dans les médias, avec des ouvrages de synthèse, mais aussi qui s'est engagé dans la cité en tant qu'élu sous le Parti québécois, notamment. Une période qui m'intéresse beaucoup, la période de la Révolution tranquille. Oui, 1976 fait partie du premier gouvernement, finalement, du Parti québécois. Oui. Donc, oui, c'est ça, c'est quand même, c'est impressionnant. Est-ce que tu savais, quand tu as cette idée-là, genre, oui, je pourrais faire des entretiens avec Denis Vaugeois, que ça prendrait à peu près 20 heures, étalé sur 2 ans? Non. On a rapidement planché sur un programme d'entretien. Je m'attendais à des entretiens d'environ 1h30, 2h par entretien. Je savais qu'il allait avoir 6-7 séries d'entretiens. Mais finalement, ce fut des entretiens de 3h, 3h30 chacun, où M. Vaugeois a beaucoup de choses à dire, hein, naturellement. Oui. Oui, je le sais. Je l'ai déjà eu en entrevue l'année dernière pendant 1 heure de temps et j'aurais pu en prendre 5. Facilement, facilement. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de vécu. Toi, est-ce qu'il y a des choses... Parce que tu as fait une recherche, évidemment, avant de pouvoir le rencontrer, puis tout ça, faire les entretiens, puis les prévoir, comme tu disais tantôt. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment surprise? Des choses que tu as apprises pendant les entretiens, puis tu disais, je m'attendais pas à ça. Oui, plusieurs. Mais d'abord, ce qui m'a le plus surpris, je savais que c'était un grand entrepreneur dans le domaine de la culture, naturellement, mais de voir comment il a appris à devenir un entrepreneur. Ça, on le voit tout au long des entretiens. De par ses expériences. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, d'inné. C'est au travers de ses expériences, des hasards de la vie, qu'il apprend à devenir un entrepreneur dans le domaine culturel et également après son passage en politique aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Mais la chose qui m'a le plus surpris, c'est ses préoccupations dans le domaine de l'aménagement du territoire. Ça aussi, on en discute tout au long des entretiens. Et c'est même... Ce sont des préoccupations même qui sont au fondement du départ de Denis Vaugeois du cabinet ministériel de René Lévesque, puisqu'il ne s'entendait pas avec d'autres ministres en place sur les questions d'aménagement, les questions qui touchent à comment on peut redynamiser un centre-ville sans trop favoriser les banlieues, par exemple. C'est un homme qui s'est beaucoup impliqué au niveau du livre, entre autres, et qui s'implique encore au niveau du livre. Je lisais dans ton livre qu'il a travaillé à l'édition de plus de 800 livres, quand même au fil des années dans différentes entreprises, dans le fond, Boréal Express au départ, jusqu'à Septentrion, oui. En fait, en passant par les publications d'Université Laval et tout ça. C'est vraiment quelqu'un de très influent qui a vraiment beaucoup de choses à dire. Comme vous êtes tous les deux historiens, est-ce que c'est arrivé des fois que vous n'étiez pas nécessairement en accord? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, parce que, bon, naturellement, Denis Vaugeois est un spécialiste, se spécialise dans ses recherches sur la Nouvelle-France, sur la période qui chevauche la chute de la Nouvelle-France et donc l'arrivée du régime anglais. Mais M. Vaugeois, dans les entretiens présents, on revient, par exemple, sur ses livres, les nombreux livres qu'il a pu écrire. Et puis, il propose des interprétations dans ses livres. Ça ne veut pas dire que je suis nécessairement en accord avec toutes ces interprétations-là, mais ce n'était pas mon rôle ici de critiquer ces interprétations dans les échanges, dans les entretiens. Off the record, si on peut dire ainsi, oui, on avait des bonnes discussions, des points de vue sur son nationalisme, par exemple. Il va définir ce qu'il considère comme étant un nationalisme historique. Alors, moi, ça ne veut pas dire que c'est mon type de nationalisme. C'est intéressant, je l'ai beaucoup questionné, puis je pense avoir forcé M. Vaugeois à se dévoiler un peu plus et à nous expliquer un peu plus longuement les différentes prises de position qu'il peut avoir, notamment sur le nationalisme. C'est vraiment rare qu'on ait l'occasion de rencontrer quelqu'un pendant autant d'heures que ça pour faire un livre. Mais ça, je demandais ça, entre autres, parce que je l'ai déjà vu dans le livre, des fois où est-ce que je ne comprends pas votre insistance de la part de Denis Vaugeois sur des affaires. Alors, il a bien fait sentir. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas de cachette. On sent que, c'est ça, des fois, c'est comme, oui, j'insiste un peu, je veux vraiment gratter puis le savoir. C'est de bonne guerre. Non, c'est ça, mais on sent vraiment votre complicité. Non, c'est vraiment, ça se lit super bien. Tu sais, sérieusement, oui. Je l'ai déjà dit, je suis vraiment jalouse que tu aies fait ça. Mais en même temps, moi, j'aurais pas pu le faire parce que je suis pas historienne. C'est que c'est sûr que j'aurais eu une vision complètement différente. T'sais. Mais ouais, c'est vraiment un livre à lire absolument. Ouais. Je me suis beaucoup attardée aussi sur son rôle d'éditeur parce que pour moi, c'est probablement un de ses legs le plus important. Son rôle d'éditeur, vous avez dit plus de 800 livres, il me dit même à un moment donné plus de 1000 livres. Un éditeur en sciences humaines, c'est tout à fait remarquable. Il y a peu de maisons d'édition qui vont publier beaucoup de livres en sciences humaines au Québec. Il a travaillé avec plusieurs historiens, sociologues, géographes, et puis que ce soit la maison d'édition Boréal Express, avant son passage en politique, ou ensuite quand il a fondé Septentrion, deux grandes maisons d'édition qui publient beaucoup en histoire. Ça, c'est tout à fait remarquable. Et j'aime l'édition. Je dirige une revue, par exemple, c'est un tout petit apport dans le domaine de l'édition, mais je l'ai questionné beaucoup là-dessus parce que je pense que c'est un de ses legs les plus importants. Puis, il y a aussi le fait que c'est grâce à lui qu'on a autant de bibliothèques au Québec. Probablement son deuxième legs le plus important, à mon avis. Des bibliothèques, un réseau de bibliothèques publiques, c'est pas Denis Vaugeois qui les a toutes construites, mais il a mis en place une politique de construction de bibliothèques publiques à travers le Québec en 1980-81, juste avant qu'il quitte le ministère des Affaires culturelles. Et puis, c'est un legs très important. On voit ces bibliothèques-là, de belles bibliothèques, belle architecture à travers le Québec. Moi, quand j'étais jeune, j'habitais à Val-Bélair, donc tout près d'ici, dans le nord de la ville maintenant. Et puis, la bibliothèque Félix Leclerc, elle était construite dans les fins des années 80, début 90, à la suite du plan Denis Vaugeois. Donc, OK, quand même, ouais, c'est ça, il a fait beaucoup de bibliothèques avec le temps, puis ça, je lisais, puis il m'en avait déjà parlé, comme à Montréal, il y avait 2-3 bibliothèques publiques avant. À Québec aussi, il y en avait 2, je crois, donc c'est sûr que maintenant, on est rendu à 26 dans le réseau des bibliothèques de la Ville de Québec, ça n'a rien à voir, donc en effet, il n'y a pas construit nécessairement, mais il a fait en sorte que les choses soient plus faciles aussi pour les construire par la suite, dans le sens que lui est un peu ratoureux, il est allé chercher le budget nécessaire pour que ça puisse se faire. Finalement. Voilà, auprès d'Ottawa notamment. Donc lui et puis Jacques Parizeau, ils racontent ça dans les entretiens, ont été capables d'aller mettre en place un programme qui allait chercher de l'argent du fédéral pour des infrastructures municipales. Et puis c'est grâce à ce programme-là qui a continué tout au long des années 80 et début 90 qu'on peut avoir donc ce réseau de bibliothèques incroyable au Québec. Le domaine du livre, le domaine culturel, doit beaucoup à M. Beauchamp. Oui, puis en tant que libraire aussi, une chose que j'ai apprise avec les années, c'est que jadis, il y a quand même quelques années, décennies, les bibliothécaires allaient en France, aller chercher les livres en France directement. Elles n'allaient pas dans les librairies du Québec pour aller chercher des livres. Puis ça, les livres, de toute façon, québécois, puis ça, les livres français, c'était assez difficile à trouver. Donc, ils allaient vraiment en France directement. Ils étaient invités par les éditeurs français pour aller faire le plein de livres et tout ça. Et grâce à Denis Vaugeois, maintenant, les bibliothèques doivent aller s'approvisionner dans les librairies agréées, au moins 3 différentes, pour pas que ça soit une seule, dans le fond, pas qu'il y ait de favoritisme. Non, ils sont obligés de faire ça maintenant. Ils ne peuvent plus passer par la France. Oui. Il n'y a plus de voyages organisés de cette façon-là. Donc, ça l'a vraiment aidé au développement des librairies, puis au fait que les librairies sont encore là, puis encore pertinentes, puis encore actives. Là. Voilà, il a contribué à solidifier toute la chaîne du livre, la maison d'édition et même de l'auteur qui reçoit des droits d'auteur de manière systématique maintenant grâce à ce qui est devenu la loi du livre en 1979. Donc, de l'auteur, de la maison d'édition jusqu'au distributeur et à la librairie et jusqu'à la bibliothèque. Vraiment, c'est majeur tout ce qu'il a fait. Puis là, en quelques minutes, on a vraiment fait un petit tour des choses qu'il a fait. Moi, ça m'impressionne tout le temps. À toutes les fois que je parle avec lui, il a fait tellement d'affaires. Là. Ça n'a aucun sens. Donc, oui, vraiment, un super livre, je le répète encore. Merci. Donc, oui, de Denis Vaugeois, entretien par Stéphane Savard chez Boréal. Tu vas être en séance de signature en même temps que Denis Vaugeois de 13h30 à 14h30 au stand 197. Aussi, Denis Vaugeois va être sur la scène Radio-Canada à 13h pour une rencontre sur la scène à Radio-Canada aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Bien, je vous remercie beaucoup et merci aux auditeurs. Sortie culturelle en direct du Salon international du livre de Québec se poursuit avec Anne-Marie Saint-Cerny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Mégantic. un essai où est-ce que... Divisé en deux grandes parties, je dirais. C'est comme ça que je l'ai compris. Une première partie où est-ce que ça nous dit qu'est-ce qui a mené aux événements de Mégantic, les événements qu'on connaît, mais qu'on connaît pas tant que ça, finalement. Donc, qu'est-ce qui a mené à ça? Et ensuite, le deuxième deuil que les Méganticois ont dû vivre. C'est comme ça que je l'ai compris. C'est ça. Le avant, pendant et après. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est vraiment... c'est un essai où est-ce que vraiment vous dénoncez les choses, vous les expliquez plus clairement que ce qu'on entend dans les médias, hein, définitivement. En fait, c'est vraiment une enquête. Les médias ont fait quand même un bon travail, mais c'était dispersé, fragmenté. Mais la vérité n'est pas encore sortie, d'ailleurs. Et donc, c'est une enquête que j'ai faite pendant 5 ans pour savoir exactement qu'est-ce qui a provoqué cette tragédie immense et ensuite, quelles sont les suites de ça. Et donc, ça a commencé à New York avec des milliardaires à la Trump qui ont décidé de faire des milliards en moins d'un an avec le régime ferroviaire. Ensuite, nos gouvernements leur ont ouvert les portes et je les nomme parce que j'aime pas nommer un système. Un système n'est pas responsable de rien, mais il y a des gens qui ont signé ou qui n'ont pas signé des lois et des décrets et qui savaient, c'est une tragédie annoncée qui s'est produite et qui va se reproduire. Et donc, il y a des gens qui sont responsables de ça. Et c'est l'enquête probablement la plus fouillée qui on dit en anglais « connect the dots », qui rejoint les pointillés, si on veut, de plusieurs informations qui sont sorties. Et comme j'étais sur place depuis le jour 5, j'ai suivi avec les Mégantiquois ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire effectivement le deuxième deuil, qui est le rasage de la ville, de ce qui restait. Donc, le feu a détruit 40 bâtiments. La ville en a détruit plus d'une soixantaine pour des raisons soi-disant de contamination qu'on n'a jamais pu démontrer. Nous, les seules informations qu'on a, c'est que ça n'était pas contaminé, à peu près rien. Donc, oui, parce que vous avez fait des échantillons, hein, c'est ça? Les autorités qui étaient là ont fait des échantillons. J'ai un email, que je cite du ministère de l'Environnement qui dit « c'est pas la contamination qui justifie ». Le rasage de la ville, c'est les autorités municipales qui ont décidé. Je prends toujours soin, par contre, de rappeler que les autorités municipales qui ont permis ce deuxième deuil-là étaient eux aussi pris dans une tragédie qui est née aux États-Unis, qui est née à Ottawa, qui est née ailleurs que chez eux. Et ils ont fait de leur mieux, mais ils ont fait des erreurs, effectivement. Elles étaient aussi dramatiques. Des victimes, finalement. Ces personnes-là, même si elles étaient en position de prendre... Ben, dans le fond, on avait un certain pouvoir pour prendre des décisions, de prendre des impacts sur les Mégantiquois. Ça fait quand même en sorte que, c'est ça, ils étaient des victimes à la base, elles aussi. Elles aussi, qu'on n'a peut-être pas supporté correctement. Oui. Et il y a une réflexion à faire qui ne se fait pas. À ce jour-là, la vérité est tenue cachée par le gouvernement fédéral. La vérité est tenue cachée sur beaucoup sur ce qui s'est passé à Mégantic ensuite. Et ça, c'est inacceptable. Un, parce que ça va se reproduire, mais aussi parce que les Mégantiquois sont incapables de faire leur deuil. Oui. Les seuls coupables qu'on leur a offerts, c'est les 3 employés. Et ils l'ont tous dit à Mégantic, ces gens-là ont juste essayé de gagner leur vie. On le sait que c'est pas eux les coupables. Non, c'est ça. Puis ça a été beaucoup aussi les arrestations spectacles, quand même, pour nous montrer. C'était agencé, c'était une mise en scène. On nous a bâti, construit des boucs émissaires d'une façon que je vais utiliser le mot dégueulasse parce que c'est le seul mot qui convient. Oui. Ça s'est fait avec un cynisme pour écraser cet homme-là qui était tout seul avec un train brisé dans la nuit, puis qui n'a jamais compris, puis qui est obligé de vivre avec la conséquence de ce qui est arrivé. Puis nous, comme Québécois, on s'est dit, on va aider, on va contribuer financièrement, on va donner un 20$, un 40$, ou peu importe. Ça l'a permis de ramasser un certain montant d'argent. Et il y a 4 millions de dollars qui ont été ramassés de nos dons. Et il y a un million qui a servi à quoi? Exactement. C'est un million au moins, minimalement, qui est parti à Métro et Jean Coutu, qui sont maintenant la même entité, mais qui à l'époque étaient séparés, qui se sont fait payer leur nouvelle construction. Et pour bâtir ces nouvelles constructions-là, il a fallu exproprier des gens qui n'avaient jamais été touchés par la tragédie. On les a expropriés sauvagement, mais sauvagement. Et ces gens-là ont été aidés par la Croix-Rouge. maintenant à la place d'une des maisons, et je décris le cas dans le livre, c'est un Jean Coutu et son stationnement. À la place de l'église, c'est le stationnement du métro. Et en plus, ils sont allés chercher plus d'un million de dollars de nos dons. Et je demande à tous les gens d'écrire à Métro et maintenant sur leur site web et de réclamer que Métro rembourse le million de dollars à la communauté de Mégantic qui en a besoin. Puis parmi les gens qui ont été expropriés, il y en avait beaucoup qui étaient propriétaires, on s'entend, et ces gens-là n'ont pas pu tous racheter une maison après parce que c'était plus les mêmes coûts. Hein? C'est ça, exactement. Et c'était des maisons qui étaient payées, des maisons familiales et tout ça. Les gens avaient leur dignité là-dedans, gagnaient leur vie. Certains avaient des petits commerces. Oui, c'est vrai. Le Musicafé. Par exemple, c'était que Yannick Gagné avait complètement rénové. Quand il a fallu qu'il reconstruise aux nouvelles normes, en demandant d'aller s'installer sur le bord du lac, puis il n'a pas pu. Oui. On l'a mis sur le bord ailleurs. Et donc, ces gens-là, beaucoup n'ont pas racheté de maison, ont été complètement démunis. Là. Oui. Et c'est un deuil qui, malheureusement... est venu un peu de l'intérieur et avec lequel les Mégantiquois, quand même, ils sont très courageux, ils se battent beaucoup, ils comprennent que la vie revient. Néanmoins, c'est tragique. Leur repère, leur passé, leur ville est partie en fumée avec 47 de leurs concitoyens. Dans la préface du livre... Déjà, on parle du fait qu'il n'y a pas eu d'enquête par rapport à ça. Vraiment, on nous détaille à peu près 20 lignes à quel point il y a eu plein de commissions d'enquête au fil des années. Sur le déclin du saumon. C'est ça. On est très heureux de savoir pourquoi le saumon décline. Mais là, on a 47 morts, 2 suicides officiels, plus les non réclamés, si on veut. Oui, c'est ça. On a une ville dévastée. On a payé une fortune. Les compagnies ont payé très peu, simplement pour ne pas être poursuivies aux civils. Et jamais, on a le seul rapport qu'on a officiel, c'est le rapport du BST qui est bien fait, mais dans lequel on sait, on a la preuve qu'il y a eu de la manipulation et de la la falsification, c'est peut-être fort, mais il y a eu des causes qui ont été retirées. Et donc, c'est le seul rapport qu'on a. Et le ministre de la Justice, il n'y a pas de justice, et c'est un lapsus. Le ministre des Transports, qui est un astronaute et qui sait très bien la gravité, tout ce qui est en haut descend, là, nous dit tout est sécuritaire et la vérité est connue. Et c'est faux. C'est totalement faux. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on s'est vu je vous ai vu il y a 2 semaines à Trois-Rivières pour le Salon du Livre, et vous avez parlé d'une situation qui s'est produite dans l'Ouest canadien récemment. Donc, vous dites ça pourrait réarriver, mais en fait, c'est déjà réarrivé. Exactement. Et moi, j'ajoute, il y a 3 jeunes hommes qui sont morts en Colombie-Britannique le 4 février. Exactement le même scénario que c'est une locomotive brisée en haut d'une côte. La locomotive avec le train en arrière est partie. Les 3 hommes qui étaient dans le train sont morts. Et leur dernier geste a été d'appeler au village en bas où ils savaient qu'il y avait des citernes pour dire « dégagez les voies parce que ça va exploser ». Et heureusement pour le village, le train a déraillé avant. Eux sont morts. J'ajoute ces 3 morts-là inutiles. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre... Parce que ça fait 2 ans qu'on réclame, qu'il exige des compagnies qui mettent des freins à main en haut des côtes, ce qu'il n'a jamais fait. Le lendemain de la tragédie de Colombie-Britannique, il a fait un petit ordonnance jusqu'à ce qu'on en sache plus pour les obliger à mettre des freins à main. Ordonnance que le CP, dès le lendemain, contestait. Oui, parce qu'en fait, déjà l'entrevue tire à sa fin, mais déjà, on apprend dans votre livre que c'est les compagnies ferroviaires qui font leur propre loi. Font leur propre loi, s'auto-surveillent, ne font ce qu'ils veulent. Oui. Et nous avons un ministre et des autorités qui s'étendent devant eux pour que ça passe mieux. Oui. Et c'est inacceptable. Et ce qui est inacceptable, c'est qu'ils viennent nous dire en face, et parfois même tout près de Mégantic, que tout va bien, tout est sécuritaire. Non, c'est ça. Moi, je trouve très courageuse. J'ai pas de courage. Les gens de Mégantic sont très courageux. Oui, mais aussi, en fait, un n'empêche pas l'autre, à mon avis, d'avoir écrit ce livre-là, de l'avoir publié, de nous éclairer. Merci beaucoup de le faire. Vraiment, c'est nécessaire comme livre. C'est ça va être. En tout cas, moi, je vais suivre vos projets futurs. Puis c'est sûr que à l'intérieur, en lisant ce livre-là déjà, ben on peut faire notre part puis essayer de faire quelque chose pour changer les choses. Comme vous dites tantôt, on peut écrire à Métro aussi pour tenter de réclamer le million de dollars de nos dons à nous. Donc, Et refuser quand nos hommes politiques viennent nous dire des mensonges et que l'on le sait, refuser, se lever et dire « vous mentez ». Et vous le savez. Oui. Donc, vous êtes en séance de signature au kiosque 197 de 13h30 à 14h30 et vous serez aussi en rencontre d'auteurs sur la scène Radio-Canada dès 13h. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Marie Saint-Cernier, pour le livre Mégantique. Merci. Merci. Sortie culturelle en direct du Salon international de livre de Québec se poursuit avec Sabrina Philippe. Bonjour. Bonjour, Julie. Donc, on parle ensemble du roman « Et que nos âmes reviennent », un roman où on suit deux histoires parallèles à deux périodes de temps différentes. La première histoire, c'est une femme, une psychologue influente qui passe à la télé, vraiment quelqu'un de très reconnu dans son domaine par rapport aux relations de couple, qui est prise dans une relation toxique avec un homme, une relation qui dure depuis quand même longtemps et tout ça. Donc, on est tout dans sa relation à elle et pourquoi elle endure ça, finalement. On a ça en parallèle. On a une autre relation aussi qui se passe un peu plus tôt, où est-ce que c'est une femme qui vient d'un milieu aisé, très aisé, finalement, qui se retrouve enceinte et elle doit se marier avec quelqu'un que c'est pas comme ça que c'était prévu du tout. Donc, elle a vu des choses aussi de son côté. Donc, les deux se croisent, tranquillement, pas vite, et maintenant, on comprend qu'est-ce qui se passe, évidemment. Une des prémices ou une des hypothèses de votre roman, c'est la réincarnation. Exactement. Donc, le fait que, des fois, on se retrouve à côtoyer des gens dans notre vie actuelle, mais que c'est parce qu'on a quelque chose à régler d'une vie précédente. C'est ça, j'aime bien écrire sur l'âme, et c'était aussi le cas pour mon premier roman, Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part, et pour celui-là, et que nos âmes reviennent, parce que, comme vous le voyez, c'est le mot âme qui m'intéresse, et c'est ce que va vivre notre âme, et toutes nos rencontres sont des rencontres d'âme, toutes nos rencontres sont là pour nous apprendre des choses, on fait des rencontres heureuses, on fait des rencontres malheureuses, mais elles sont là comme des enseignements pour nous. Non, mais c'est vraiment, c'est impressionnant, parce que moi, personnellement, je suis une personne assez sceptique dans la vie. Quoique le personnage aussi est assez sceptique, aussi un des personnages du roman. Mais ça m'amène quand même à des réflexions, hein. On se dit, ah oui, c'est vrai, peut-être que c'est vraiment super intéressant. Puis c'est très fluide aussi comme roman, là. Ça se lit très bien. Merci. Oui, ça fait plaisir. Donc, c'est ça, dans le fond, l'idée de base, en fait, c'est que vous vouliez poursuivre un peu votre réflexion sur sur l'âme. Oui, alors c'est un livre qui est très inspiré de ma vie, puisque okay. je suis psychologue, oui. je fais de la télévision en France. C'est très inspiré de choses que j'ai vécues. OK. C'est important de le dire. Oui, moi, je n'osais pas aller là dans votre vie personnelle. Mais vous pouvez y aller. OK, parfait. Parfait. Donc, c'est très inspiré de ma vie. Et je suis psychologue, justement. Psychologue, ça veut dire thérapeute. Et je crois que je suis thérapeute dans l'âme. Et j'écris pour soigner. Alors, l'idée, c'est de pouvoir amener le lecteur à s'interroger. Les réponses, on ne les a pas forcément, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté de la mm-hmm. vie. Mais si on peut déjà s'interroger, c'est une ouverture. Et c'est une façon aussi de comprendre parfois des nœuds qu'on a à l'intérieur de soi. Et si ce livre permet d'en défaire quelques-uns, défaire quelques fils, alors j'ai fait ma mission. Une chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est que comme la psychologue très influente vit une relation de violence, on voit aussi qu'on n'est jamais protégé. Parce que des fois, on regarde ça de l'extérieur, on se dit « Ah non, moi, ça ne m'arriverait pas, ce genre d'affaire-là, je suis au courant comment ça fonctionne. » Non, non. T'sais, on peut tous être pris dans cette situation-là. Finalement, on n'est pas au-dessus de ça. Mais ce n'est pas du tout une question d'être au-dessus. Non, c'est ça. C'est, les relations toxiques, les relations d'emprise, ça vient justement très, très doucement. Mais oui. Et on ne se rend pas compte. Et il y a une phrase dans ce livre, « Le propre du piège ». C'est de ne pas le voir tant qu'on ne l'a pas effleuré. Oui. Quand vous commencez à comprendre que ça ne va pas du tout dans votre vie, que vous perdez de l'énergie, il est trop tard parce que vous êtes déjà pris dans ce piège. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on se retrouve isolé, on perd confiance en soi. Il y a beaucoup de conséquences par rapport à ça. Mais ça, je trouvais ça très intéressant de l'explorer cette façon-là. Pour moi, c'était comme un sujet supplémentaire dans le roman qui était vraiment intéressant. Une autre réflexion que ça nous amenait... Oui, parce que ça, c'est ça. Souvent, c'est facile de poser un jugement sur les gens, qu'est-ce qu'ils vivent. Ou, tu sais, des fois, mettons, on connaît quelqu'un qui vit une relation toxique comme ça, on se dit, ben voyons, pourquoi il part pas? Voilà, pourquoi il part pas? Ben c'est ça. Pourquoi il part pas? Mais en fait, quand ça va bien, cette relation-là, elle va très bien aussi. Toujours le chaud et le froid. C'est ça. Quand ça va bien, ça va extrêmement bien et c'est ça qui vous attache. Oui. Mais il y a tellement de moments où ça ne va pas, où ça va mal. Hein. Mais vous vous raccrochez à ces moments qui sont un peu extraordinaires, où ça va si bien. J'ai aussi écrit ce livre pour que des femmes, des hommes qui vivent ces relations puissent partir, puissent mm-hmm. comprendre et partir. Mm-hmm. Est-ce que vous avez d'autres projets de romans en cours? J'en ai trois dans ma tête qui courent en même temps. Alors j'attends de voir quel va être le gagnant. Vous voyez, c'est un petit peu comme une course de petits chevaux. Okay. Et j'attends de voir celui qui va sortir, puisque quand j'écris, en fait, j'écris quasiment dans un état second. Ok. Ça vient tout seul et souvent je ne reconnais pas ce que j'ai écrit. J'ai l'impression qu'il y a un guide ou un ange qui me souffle des mots okay. qui viennent s'écrire devant moi. OK. Puis est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur les trois projets, rapidement? C'est déjà dit dans ce roman qu'il y aura un troisième opus. OK. Il y avait le premier roman, celui-ci est le deuxième. Ce ne sont pas des suites, mais ce sont des suites spirituelles. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller encore un petit peu plus loin dans la réflexion de nos âmes, de pourquoi nous sommes là et comment trouver notre mission de vie. Merci beaucoup, Sabrina Philippe. Donc, merci, et que nos âmes reviennent, disponible au kiosque 270. Vous serez là en séance de signature de 13 à 14 heures si on veut vous rencontrer. Et après ça, vous repartez en France. Et après, je repars en France. C'était mon premier séjour ici et j'ai adoré. Ah, voilà. Ben, et merci pour votre accueil qui est extraordinaire. Super. Donc, à la prochaine. Merci. Merci. Sortie culturelle. Ici Raymond Poirier. Le samedi 13 et le dimanche 14 avril, la vie en BD se met en mode sortie culturelle en direct du Festival Québec BD. Au menu, des rencontres avec plusieurs des invités de marque de l'événement. Pierre Allary, Sylvie Rancourt, Émilie Plateau, Abdel de Bruxelles, Luke McGarry et plus. Rendez-vous dès 13h30 les 13 et 14 avril en direct du Centre des Congrès de Québec et sur CKRL 89.1. De la BD sur scène, du 6 au 14 avril prochain, le Festival Québec BD vous invite à découvrir plusieurs spectacles alliant le 9e art à la poésie, au théâtre, à la musique et au burlesque. Curieux? Découvrez toute la programmation au québecbd.com. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Isabelle de la succursale de Loretteville vous suggère « Nous sommes là » d'Oliver Jeffers aux éditions Kaléidoscope. L'auteur nous charme avec ses histoires simples, drôles et intelligentes. Ses illustrations colorées nous expliquent ici la nature dans son ensemble. Un livre à offrir à tous les nouveaux parents. et Stéphane de la succursale de Saint-Roch vous propose Felipe, une légende dominicaine de Peter Kerazotis aux éditions Urtubiz. Ce livre nous montre la vie abracadabrante de Felipe Alou, notre monsieur baseball à nous. Un parcours passionné et passionnant à dévorer pour faire passer l'hiver. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est. L'Harmonie de Charlebourg vous invite à son concert dessiné Tour de Babel, présenté en marge du festival Québec BD. Sous la direction musicale de François Dorion, une cinquantaine de musiciens et les dessinateurs Anthony Charbonneau-Grenier et Julien Dallaire-Charret réaliseront en direct une performance unique de dessin. Au programme, ouverture allemande, Tower of Babel, Charlie Chaplin, Cats et plusieurs autres. Lors de ce concert, l'Harmonie de Charlebourg dévoilera les noms des lauréats de la 4e édition de son programme de bourse pour la relève musicale des régions de Québec et Chaudière-Appalaches. Rendez-vous le 11 mai à 19h30 à la salle Saint-Augustin du Centre Le Montmartre, 1669 Chemin Saint-Louis. Billets en vente sur harmoniedecharlebourg.ca/billetterie. Vous aimez les romans historiques, alors que vos amis préfèrent la science-fiction et d'autres ne jurent que par les essais et la littérature québécoise? Venez rencontrer vos auteurs préférés. Sous la présidence d'honneur de Yasmina Kadra, ils sont plus de 1200 et vous invitent au Centre des congrès de Québec. Le Salon international du livre de Québec, du 10 au 14 avril. Sortie culturelle. Les Bouquins d'abord vous présentent Sortie culturelle au Salon international du livre de Québec. Vous êtes avec Barbe Rank à la sortie culturelle au Salon du livre. Je suis en compagnie de Laurence Leduc-Primo. Bienvenue à l'émission. Je suis très contente de te recevoir. J'ai failli passer à côté de ton très beau recueil Zoologie. C'est écrit micro-récit. Des micro-récits, ça m'a jamais dit grand-chose. Et je l'ai lu vraiment comme ça. Et c'est grâce à Vanessa Bell qui a fait une critique à l'émission où j'ai compris, dans le fond, là, c'est un récit fragmenté, c'est surtout de la poésie. Et depuis ce temps-là, je l'ai lu deux fois et j'ai adoré. Un très grand merci pour ça. Merci. Et ma première question, c'est comment on construit un recueil comme ça? Comment on arrive à se rendre compte qu'on a plusieurs récits déjà en poche qui traitent d'animaux? Parce qu'il y a de ça, mais il y a d'autres sujets aussi. Je voulais te dire merci. D'abord, je suis vraiment contente d'être ici. Ça me fait plaisir. La construction de ce livre-là, ça a été assez particulier quand même. J'avais un personnage. J'avais le personnage du livre, la narratrice, qui était... pour moi, un personnage en tension, entre beaucoup d'extrêmes, un peu entre la douceur, la violence, entre un peu la femme-enfant et une sagesse. Puis j'avais tous ces extrêmes-là, puis je suis partie en exploration à la recherche du personnage, en fait. Et puis, je me suis plongée dans un blitz d'écriture sans aucune autre contrainte que chercher ce qui était dans ce personnage-là. Puis ça produit comme une... je sais plus, là... 200-300 petits bouts d'histoire que je comprenais pas très bien le lien entre ces histoires-là, à part que je sentais qu'ils étaient toutes dans le même livre. Et puis, à partir de là, il y a eu un très, très long processus où j'ai découpé toutes ces histoires-là, je les ai tendues sur un plancher, j'ai passé des mois à faire des piles, défaire des piles, regarder qu'est-ce qui étaient les lignes fortes de ça. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai eu un flash, comme si j'habitais ce livre-là, comme si ça m'était apparu. Et puis, en fait, ces textes-là ne sont pas dans le livre. Ça a été vraiment la base un peu pour construire le livre. Puis après, je suis repartie en écriture avec ce flash-là. Le personnage principal s'adresse à un tu. Il est apparu quand, ce tu-là? Parce que ça aussi, c'est un personnage qu'on découvre en lisant le livre. Il est apparu dès le début. J'avais justement l'idée de cette relation-là entre ces deux personnages-là. Et puis, Une chose que j'aime beaucoup de ce livre-là, il y a une liberté pour les lecteurs de comment est-ce qu'on veut l'interpréter, ce « tu-là ». Il y a moyen de le lire comme c'est un couple, mais il y a aussi moyen de le lire comme ce personnage-là n'existe pas. En fait, c'est un fantasme de la narratrice. Et pour moi, c'est les deux en même temps. Dans le sens où je pense que quand on est en relation, il y a toujours un aspect des gens qui nous échappent. Il y a toujours un aspect de l'autre, du tu, qui est insaisissable et à inventer, et de nous-mêmes aussi. Oui, absolument. Non, moi j'aime bien ton explication que c'est les deux, parce qu'effectivement, c'est comme ça que ça se passe dans la vie aussi. Hein? On fantasme toujours aussi une part sur l'autre. Zoologie, il y a la présence de toutes sortes d'animaux. Tu pars vraiment du domestique à travers des animaux qui nous servent comme nourriture à la bête sauvage. Ça, c'était là dès le début aussi, les animaux, ou c'est arrivé au moment où tu sentais que ça commence à faire quelque chose qui se tient? C'est arrivé au moment où je sentais un livre se créer. Je pense c'est pas quelque chose avec lequel je suis partie consciemment, c'est quelque chose qui est apparu puis qui s'est retrouvé un peu dans tous ces récits-là. Et puis, j'arrive difficilement à expliquer le lien intellectuel des animaux, mais je pense que ils sont nécessaires dans ce livre-là. Pour moi, c'est beaucoup en partie un miroir, en partie est-ce que c'est des victimes, est-ce que c'est... Je pense que je vois aussi l'humain comme un animal dans ce livre-là. Donc les personnages. Il y a un miroir. Il y a une question de miroir là, aller chercher l'animalité dans le jeu autant que dans le tu, non? Oui, exact. Et puis les vrais animaux qui s'insèrent sont un peu comme une autre facette de ces mêmes gens-là. Parce que même les aspects que j'ai nommés, parce que même dans les humains, il y en a qui se font bouffer, il y en a qui sont domestiqués, d'autres qui vont rester des fauves à vie. Tes textes sont extrêmement travaillés. Moi, je conseillerais vraiment aux gens de les lire à voix haute s'ils n'arrivent pas à embarquer parce qu'on sent le rythme. Comment on construit cette limite entre le récit et la poésie? Bien, une autre chose avec laquelle je suis partie, qui était là dès le début, c'est l'idée d'une chanson, d'une très longue chanson. Je travaille beaucoup l'oralité puis le rythme dans mes textes. Je pense que c'est pour moi quelque chose de fondamental. Puis j'ai écouté beaucoup de chansons, puis souvent, quand on lit vraiment juste le texte d'une chanson, c'est assez éparpillé, c'est pas nécessairement toujours clair. Puis il y a quelque chose en dessous qui va nous tenir dans la musique, dans le rythme. Puis j'ai essayé de refaire ça en livre, en fait, de travailler un livre où le rythme puis la pulsion nous tient, alors que le texte est un peu éclaté. Moi, j'aimerais ça quand même que tu lis. Oui. Un petit extrait, parce que je trouve vraiment il faut t'entendre. Puis une chose que je recommande souvent aussi aux gens qui peuvent être intéressés par ce livre-là, c'est de un peu abandonner cette tendance-là qu'on a à vouloir tout comprendre puis à être très désorienté si jamais on ne comprend pas tout, puis juste se laisser glisser. Se laisser porter. Ouais. Ouais. Voilà, donc on va essayer de se laisser porter. Maintenant, ce sont les chiens qui hurlent à la lune. Ils s'accrochent au flanc des montagnes et étirent le cou, des bonnets de dentelle sur le crâne. Au bord de la route, il reste des carcasses d'animaux, de poupées, de banquiers, de joueurs de pétanque, qui attendent d'être gonflés à nouveau. Des cris accablants, frénétiques, qui nous font hurler à notre tour. Hurler avec les chiens. L'heure est rose. Nous traversons des déserts. Le ciel se casse. Un autre le remplacera directement de l'usine à ciel. Nous avons les oreilles tellement usées que nous implorons, défaits et abattus. Tu portes la chemise que je t'ai reprisée en y ajoutant de la dentelle. Ce n'est pas convenable. C'est même indécent. Une main sur le volant et l'autre entre mes cuisses, tu me dis que le fils ne poursuivra pas le père. Tu le dis sur un ton de conversation entre gens bien élevés, lentement. Tu articules chaque syllabe. Je réponds qu'il faudra les souffler, les carcasses, comme le reste. Merci, Laurence. On peut te rencontrer présentement chez La Peuplade. C'est quand vous rentrez dans le salon tout de suite à droite chez Dimédia. Et tu vas rester encore pour une bonne heure, j'imagine. Je suis là jusqu'à 2 heures en signature. Et puis, merci beaucoup, beaucoup pour avoir parlé un peu de zoologie avec moi. Merci, Laurence Primo-Leduc. On va faire une petite pause musicale et on vous revient. Merci, merci. Sortie culturelle en direct du Salon international du livre de Québec se poursuit avec Marie-Claude Martel. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Julie. Donc je te reçois aujourd'hui pour parler de ton roman « Comment se débarrasser du marié ». Oui. Un titre intriguant. Oui, c'est sur la thématique du mariage. Oui, tout à fait, ça, on l'a compris. Et ton livre en fait est basé, les chapitres sont découpés par étape du mariage. Oui, exactement. À chaque étape du mariage, il y a un chapitre et il se passe plein d'aventures, évidemment, à chaque étape, que ce soit le choix de la robe de mariée, le bouquet, le photographe. Pour chaque étape du mariage, dans le livre « Comment se débarrasser du marié », il y a plein d'aventures humoristiques parce que c'est vraiment un livre pour rire puis pour s'amuser. Oui, puis pour réfléchir aussi. Quand même, il y a des moments, des fois, où est-ce qu'on... C'est ça. Je vais expliquer un peu qu'est-ce que c'est le roman. La prémisse de base, en fait, la prémisse au départ de ton livre, c'est que deux sœurs, en fait. C'est ça, deux sœurs. Et il y en a une des deux qui va se marier avec son conjoint. Mais son conjoint, il est pas le fun. On l'aime pas. Il drague la sœur devant sa sœur, finalement. Donc, devant sa conjointe, il drague sans se cacher et tout ça. C'est vraiment pas quelqu'un de très recommandable. Et la sœur amoureuse qui va se marier, elle ne voit rien. Pour elle, c'est l'amour. Elle ne voit pas, elle est aveugle. Donc, sa sœur, Rachel, se dit, ben moi, là, je vais arranger ça, je vais faire en sorte que le mariage n'ait pas lieu. Donc, elle fait une sorte de manigance, finalement, pour essayer d'arriver à ses fins. Exactement. Surtout qu'elle est gênée d'en parler à sa sœur. Elle ne veut quand même pas lui faire de la peine. Oui. Alors, même quand elle lui en parle, ça passe plus ou moins bien, hein? Sa sœur est vraiment amoureuse. C'est difficile de faire passer le message. Oui, c'est ça, vraiment. Puis, je l'ai dit en début d'entretien, tantôt, le fait que ça soit découpé par étapes du mariage, avec les jours restants, ça rajoute un stress énorme. On veut pas que le mariage ait lieu. Plus le mariage approche et plus ça devient stressant. On sait pas si le mariage va avoir lieu. On sait pas si la sœur qui est célibataire va réussir à faire arrêter le mariage à temps ou si le mariage va quand même avoir eu lieu. On ne sait pas qu'est-ce qui a à venir. Alors oui, plus on s'approche du mariage, plus il y a le stress du délai qui se rapproche. C'est qu'à partir du moment où on embarque dans le roman, on le lâche plus. Bien, j'espère. C'est ce que je voulais, c'était mon objectif. Non, mais on ne peut pas vraiment se dire, ah, je vais lire ça sur une semaine. Non, non. Tu sais, si vous commencez à 9h le soir, vous allez finir pendant la nuit. Soyez prête à savoir si le mariage va avoir lieu ou pas. C'est ça. Vraiment, c'est quand même c'est assez stressant. On l'a dit, c'est vraiment drôle par moments. On rit. En fait, toi, tu as un sens de l'humour assez développé. Et dans tes livres précédents aussi que tu as fait, en fait, on le voyait très bien. Avant ça, c'était « Homme à parier ». une trilogie que tu as écrite avec une de tes amies. Oui, c'était une trilogie humoristique aussi. C'était avec mon amie Annick Lessard. Alors, évidemment, il y avait autant d'aventures, autant d'humour, de la passion, de l'amour. Il y avait de tout dans ce roman-là. Et dans celui « Comment se débarrasser du marié », c'est sur la même base humoristique. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture? Oui, j'ai d'autres projets. Je pense que tu aimerais que je révèle des grands secrets. Oui. Alors, je suis sur un projet de roman plutôt que j'appellerais plutôt gourmand, qu'on va aimer autant lire que goûter, presque. Oh. Un roman qui va donner faim. Oui, exactement, qui va donner l'eau à la bouche. C'est encore un roman dans le style chick-lit. Et à côté de ça, j'ai aussi un roman plutôt judiciaire que je suis en train de rédiger parce que j'ai travaillé pendant 20 ans dans le domaine juridique. Okay. Alors, je voulais m'en inspirer un petit peu aussi pour un autre manuscrit. OK, c'est que tu as ces deux histoires-là qu'on pourrait s'attendre à voir éventuellement... Au cours de la prochaine année. Au cours de la prochaine année? J'aimerais vraiment beaucoup. Oh, OK. Je vais travailler fort, c'est promis. On l'aura entendu à CKRL. Ben, vraiment, c'est super agréable. Il y avait combien de temps entre tes deux, d'avoir la trilogie, puis comment se débarrasser du marié? Environ 2 ans. Environ 2 ans. Puis ça, moi, j'étais contente de te retrouver, en fait, parce que justement, j'avais lu la trilogie, puis là, je me disais, il était temps, finalement, que tu reviennes avec un livre... Non, c'est ça, c'est clair. Les livres se lisent plus vite qu'ils s'écrivent, alors oui. Ah, ben oui, ça c'est sûr, hein, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière ça. L'idée, d'ailleurs, de découper en étapes du mariage, est-ce que c'est arrivé tôt dans ton processus d'écriture? Assez tôt. J'avais quand même l'histoire en tout dans ma tête. Lorsque je me suis mise à écrire, je fais pas nécessairement de plan comme tel arrêté dans ma carrière d'auteur. J'ai rarement fait un plan arrêté. Par contre, pour « Comment se débarrasser du marié », le plan se faisait vraiment bien par étape du mariage. Mm-hmm. Alors, j'espère vraiment pouvoir copier le même modèle sur d'autres romans parce que j'ai aimé vraiment écrire avec des... petits sujets, des petites aventures comme ça. Avec un fil conducteur finalement qui nous aide vraiment à suivre l'histoire puis qui, comme je dis, rajoute beaucoup de stress aussi. Et il reste que ça comme journée. Vas-tu réussir? Parce que c'est ça, c'est rare. Absolument, on est pour les mariages, puis ça, mais dans ce cas-là, on le veut pas. Non. On est d'accord avec Rachel, on veut pas le mariage. On veut se débarrasser du marié. On veut se débarrasser du marié. Est-ce que t'entends des commentaires des fois... quand les gens voient le titre de ton livre, comme est-ce que c'est un guide ou peu importe, est-ce que tu entends des commentaires un peu comme ça? Oui, mais j'ai entendu plusieurs personnes qui ont dit « Ah, nous, on a déjà réussi à se débarrasser de notre mari, on n'a pas besoin de lire un livre comme celui-là. » Et pourtant, ils en ont besoin quand même. Évidemment, c'est pas un guide, c'est pour s'amuser. Alors, mais il y en a d'autres, par contre, à qui j'ai dit « Vous pouvez le sortir de temps en temps, même si vous êtes en mariage depuis des années, si un matin, votre mari se lève et il n'est pas de très bonne humeur, sortez mon livre, comment se débarrasser du marié, ça va envoyer un petit message. » Oui, c'est ça, ça replace les priorités après, hein, ça donne qu'il va filer peut-être plus doux après, puis moi, non, j'avoue, c'est un bon argument, puis sinon, ben, c'est un super moment de lecture, comme je l'ai dit. En tout cas, ça vaut risque et péril si vous commencez le soir. Oh, merci, Julie. Peut-être le lire le vendredi ou samedi, ou si vous n'avez pas voulu le lendemain matin, parce que, en tout cas. Ou prendre une petite coupe de vin en même temps qu'on lit, ça ralentit la lecture un petit peu. Ah, c'est bien ça, c'est que ça relaxe. Oh, ça va durer un peu plus longtemps. C'est bon. Donc, on peut te voir au kiosque 261 de 13h30 à 15h. J'espère que tout le monde va venir me voir. Oui, puis toi, en fait, t'es super dynamique. En plus, quand tu es en séance de signature, t'as tes sacs. Oui, je donne des sacs. Je peux vous faire une petite danse. Je peux chanter. Ce que vous voulez, venez me voir. Je vais vraiment vous divertir. Tout ce qu'on veut. Ah, presque. OK. Bien, c'est un défi, hein. Vous l'aurez entendu. Donc, 261, on peut aller te voir. Donc, comment se débarrasser du marié de Marie-Claude Martel chez les éditeurs Unis. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci, Julie. Toujours à l'écoute de la sortie culturelle au Salon du Livre au centre Centre des congrès de Québec. Barbe Rank au microphone, je suis avec Elsa Pépin. Bonjour Elsa, bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Je t'ai invitée pour qu'on parle d'un recueil de récits d'accouchement qui s'appelle « Dans le ventre ouais. », qui est paru au quai numéro 5. Mm-hmm. Je ne sais pas, est-ce que c'était ta première direction littéraire, ce oui, recueil-là? Oui, c'est mon premier projet comme titre de directrice littéraire chez quai numéro 5, donc très fière de cette aventure. Ah, mais absolument! écoute, j'ai fini le livre et je me suis garochée sur Madame Google pour savoir comment ça se fait que c'est le premier recueil de cet ordre-là que je lis. Ouais. Y en as-tu d'autres? Okay, et je sais pas. J'en ai pas trouvé. Non, je pense il y a pas. Beaucoup de blogs, il y a des mamans qui se racontent ouais. parce que quand même, dès que tu as plusieurs mères ensemble, dont une qui vient d'accoucher et qui est encore sur la grosse émotion, c'est toujours parti qu'on s'est dit. On en parle. Hein? Mais moi, en fait, c'est ça qui m'a intéressée, c'est que j'ai, ayant moi deux enfants, je me suis mise à voir tous ces récits qu'on me racontait. Moi, je racontais mon accouchement, puis on me mes amis me les racontaient. Je disais, mais c'est vraiment des histoires qu'on garde secrètes, c'est très intime, mais en même temps, on a envie de les raconter. Puis pourquoi est-ce qu'on garde ça secret? Parce que je crois qu'il y a vraiment une valeur à ça, puis que le fait de lire, de les mettre, par exemple, à l'écrit pour des auteurs, d'en faire un livre, ça permet de voir à quel point pour chacune, c'est une histoire singulière, différente, unique, et qui appartient qu'à cette femme-là. On a comme un discours sur l'accouchement, on raconte des choses, on a un modèle, on dit des choses, par exemple, que l'accouchement, on l'oublie parce que sinon les femmes ne referaient pas d'enfants, ou que c'est le plus beau jour de notre vie, qu'un bébé en santé, c'est un accouchement réussi. Mais dans les faits, pour chacune, ce n'est pas forcément vrai. Ouais. Chacune a son histoire, puis moi, je voulais remettre en valeur. Et chaque enfant apporte une nouvelle histoire aussi. Oui. Et moi, je voulais mettre en valeur cette unicité de l'événement qui n'est jamais banal, qui est de donner naissance. Et je pense que pour ces auteurs-là aussi, ça a été extrêmement nourrissant de revisiter cet événement-là parce que ça se passe très vite, mais ça reste une marque pour la vie. Alors, on peut le revisiter, puis on découvre des choses. Parce que quand on réécrit notre histoire, on fait « Mais attends, mais ça s'est passé comme ça? » Ah oui, mais... même Martine Delvaux m'a dit hier, j'ai réalisé en l'écrivant que j'avais vécu de la violence obstétricale alors que j'ai jamais pensé que je l'avais vécu, mais en le racontant, elle a réalisé que ça s'est pas passé comme dans la paix. Oui, c'est ça. Et quand on a fait des choses qu'elle n'avait jamais demandées, c'est ça. Oui, par exemple. Mais donc, je pense qu'il y a quelque chose... Parce que moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est impudique? Est-ce que je vais pas demander à des auteurs d'écrire ça, est-ce qu'elles vont toutes me dire « Ah non, c'est trop intime? » Et j'ai été surprise parce qu'elles ont toutes dit oui. T'avais comme fait dans une la liste? Minute. Oui. T'avais vraiment fait une petite liste des femmes que tu connaissais déjà, que des tu savais auteurs, que... En fait, il y a des événements. Je voulais que ce soit des histoires qui ne sont pas toutes les mêmes. Donc, évidemment, je sais que Mélissa Véro a des triplettes. Alors, c'est quand même un événement particulier pour un accouchement. Je voulais un enfant prématuré. Il y a une amie à moi qui a perdu son bébé à la naissance. Mm-hmm. Parce que ça peut être aussi un deuil, un accouchement. Ouais. Donc, oui, je voulais une variété d'histoires. Donc, il y avait un peu ça. Mais c'était surtout, je voulais des voix différentes. Je voulais des auteurs qui ont... une façon, comme j'ai pris deux auteurs de théâtre, quelqu'un qui est plus Maxime Catelier, qui est lui plus un essayiste, un poète. Il y en a qui sont dans le registre de l'humour, il y en a qui sont dans le registre tragique. Moi, c'est assez tragique, mon histoire. Ariane Moffat, qui est musicienne. Exactement. Puis, donc, ça a été un choix. Pour moi, ce que je voulais, c'était, j'imaginais une espèce de cœur de femme, mais chacune a sa voix. C'est une espèce de... c'est comme un orchestre de voix féminine, mais qui raconte. Oui, c'est ça. Parce que c'est vraiment un récit choral, d'une certaine manière. Oui. Tu as invité aussi un homme. Oui. Ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et d'ailleurs, ça serait quasiment un autre livre à faire avec des hommes qui ont vécu. Parce qu'eux autres ont une vue complètement différente sur ce qu'on a vu. Quand on parle avec nos conjoints après, il y a des moments qu'eux autres ont trouvé dramatiques où nous, on était... peut-être complètement en paix ou dans l'abandon et ça allait, tu sais. Pour le père, le futur père, en tout cas, qui est dans une salle d'accouchement, je pense qu'il se sent tellement inutile. Mais même pendant la grossesse, puis Maxime Catelier a vraiment raconté ça, le sentiment d'étrangeté quand tout d'un coup, sa blonde est enceinte, puis il fait « Mon Dieu, mais je suis tellement inutile dans la vie. » Il n'avait pas de permis de conduire, il ne pouvait pas aller s'occuper. Ouais. Il a fait comme « OK, c'est comme... » Tout d'un coup, il a réalisé que là, il y avait quelque chose de plus grand qui allait arriver. Mais... ça reste abstrait, complètement mm-hmm. abstrait pour les hommes, tandis que pour nous, c'est très concret dès le premier jour, avec le mal de cœur. Avec... oui, c'est vrai. Mais, oui, et nous, on les connaît. T'sais, dès qu'on prend conscience qu'on est enceinte, on est mère. Oui, tandis que pour oui, les hommes, il faut vraiment qu'on a accouché. Là. Oui. Il faut qu'il aille le bébé dans les bras. Oui, pour c'est physique. Je veux dire, on a des hormones, des nouvelles hormones qui jouent dans notre corps. Mais c'est sûr qu'après, ce qui est intéressant aussi, c'est que Maxime il a raconté vraiment l'attente du bébé, la grossesse, puis l'accouchement, c'est un paragraphe. Puis là, je lui ai dit, mais t'as pas envie de raconter cet accouchement-là? Il dit, ça, pour moi, c'est comme si ça lui appartient à ma blonde. C'est... Il aurait pu choisir ce point de vue-là, mais il dit « c'est trop son histoire ». Puis c'est vrai que c'est nos histoires, je suis désolée, c'est pour ça que ça s'appelle « dans le ventre », c'est dans le ventre des femmes, c'est notre ventre qui vit ces choses-là. Puis donc c'est ça, je trouve qu'il faut se réapproprier ces histoires-là. Moi, ce que j'ai aimé, c'est aussi qu'il y a un traitement littéraire, parce que j'ai Madame Google, je suis allée lire des descriptions de maman et c'est pas mal moins peaufiné. Ben oui, parce évidemment, là, tu as vraiment quand même des nouvelles qui se tiennent qui auraient pu paraître dans un autre contexte. C'est de la littérature. C'est de la littérature avant tout. Je pense que c'était vraiment important. Ce n'est pas des témoignages. C'est des récits. Donc oui, proche de l'autofiction. Oui. C'est tout inspiré de leurs histoires. Mais chacune a fait un traitement. Puis c'est, par exemple, Martine Delvaux, elle a choisi une espèce de narration pas de point. Puis c'est chaque paragraphe, c'est comme une contraction. Il y en a qui sont allés dans les images. Celle qui a perdu son bébé, ben c'est l'image d'un bébé plante. En tout cas. Puis évidemment que quand on est un écrivain, ben notre outil c'est les mots. Donc de travailler cette matière-là en revisitant un souvenir, on suspend le temps, puis on choisit qu'est-ce qu'on choisit de montrer, sous quel angle. Donc, il y a tout un traitement, il y a une transposition. Donc, ce n'est pas du tout un récit factuel. Non, c'est ça. Non, on plonge dans un univers, puis c'est un point de vue, c'est une vision, c'est une langue, c'est une musique... As-tu commencé à avoir des retours de lecteurs? Oui. Parce que le livre vient de paraître, mais il me semble que c'est quand même un livre qui doit attirer ses lectrices. Mais j'ai entre autres une fille qui m'a écrit en me disant « Merci d'avoir fait un livre comme ça parce que moi, j'ai vécu un accouchement terrible puis ça a été vraiment pas agréable. J'ai l'impression que j'entends toujours des histoires de beaux accouchements autour de moi. Toutes mes amies, ça a été un bel événement. » Il y a comme un sentiment, on se sent un petit peu comme seul avec notre déception. Et je pense qu'il y a un travail à faire sur la vision qu'on a de l'accouchement, que c'est quelque chose de merveilleux. De merveilleux, de beau, tout ça. Et quand on arrive, puis qu'on vit ça comme une tragédie, puis qu'on souffre, puis qu'il y a de la violence, puis on a l'impression qu'on a échoué. Mais c'est ça, un accouchement, généralement. On perd le contrôle, on est dépossédé de son corps, donc... D'écrire cet événement-là, c'est de reprendre possession aussi. Là, je trouve. En tout cas, moi, ça a été vraiment ça. Donc, oui, j'ai des lectrices qui m'ont déjà écrit. Merci d'avoir écrit ça. Il y a un homme qui m'a dit, j'ai appelé ma mère pour la remercier parce que j'ai réalisé ce qu'elle avait vécu pour me mettre au monde. Oh, ça, c'est touchant. C'est beau, hein? Oh, j'ai des larmes aux yeux. C'est tellement beau. Alors, un homme qui n'a pas d'enfant. Ouais. Donc, je pense que c'est aussi un livre qui rend hommage à toutes les mères qui ont donné naissance. On vient tous de là. Ben oui, on vient tous de là. Ouais. Tu es encore aujourd'hui ici au salon. On peut te rencontrer où et quand? Ben en fait, il y a une séance de signature à 2h, donc au stand 301. Et est-ce que tu as encore une animation, quelque chose? Oui, je vais rencontrer Jean Soulard dans une demi-heure pour son livre de cuisine. Un grand merci, Elsa Pépin, et j'invite tout le monde de lire Dans le ventre. Merci. Sortie culturelle. Ici Raymond Poirier. Le samedi 13 et le dimanche 14 avril, La vie en BD se met en mode sortie culturelle en direct du Festival Québec BD. Au menu, des rencontres avec plusieurs des invités de marque de l'événement. Pierre Allary, Sylvie Rancourt, Émilie Plateau, Abdel de Bruxelles, Luke McGarry et plus. Rendez-vous dès 13h30 les 13 et 14 avril en direct du Centre des congrès de Québec et sur CKRL 89.1. Du 6 au 14 avril prochain, vivez l'expérience du 32e Festival Québec BD. Présenté sous le thème « De la création à la rencontre », le Festival Québec BD vous offre une multitude d'expositions, de spectacles et d'activités aux quatre coins de la ville. C'est un rendez-vous avec le 9e art. Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. La mesure est fière d'intégrer un nouveau volet qui offre un soutien à la relève du milieu du cinéma de la Ville de Québec et de Wendake. Artistes émergents, vous avez jusqu'au 1er mai 2019 pour déposer un projet dans les programmes de mentorat et de fonds de soutien aux initiatives de la relève en cinéma. Tous les détails sur premièreovation.com. Alimentex, une épicerie certifiée biologique avec des produits de santé naturelle située à Québec, au cœur de Limoilou. Notre boutique offre un vaste choix de produits naturels santé. Formules et suppléments, aliments biologiques, produits de beauté et tisanes. À tous les premiers mercredis du mois, nous vous offrons 10 % sur les produits à prix régulier en magasin. Pour les petits bobos, un naturopathe est sur place pour vous conseiller. Pour les problèmes de santé non résolus, avez-vous essayé Alimentex? Situé au cœur de Limoilou sur la 1ère avenue, au coin de la 12e rue. Alimentex.ca. Connaissez-vous le magazine Continuité? C'est une revue qui s'intéresse aux traces du passé, qu'il s'agisse de bâtiments, d'objets ou de documents. Ces témoins se trouvent au cœur d'histoires passionnantes que le magazine raconte avec enthousiasme. Continuité traite aussi des paysages et de l'aménagement du territoire, des traditions et des savoir-faire ancestraux. Mais ce n'est pas tout. En plus de faire découvrir ce riche héritage, le magazine aborde les enjeux d'actualité qui le touchent. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le patrimoine québécois, le magazine Continuité est pour vous. Je suis venu te dire que tu peux changer. Du 27 au 30 juin, Québécois présente en collaboration avec Hydro-Québec et la bière Bellegueule la 36e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Comme le message que... Au programme, Loco Locas, Stéphanie Boulay, Berries, Hubert Lenoir, Bertrand Belin, Philippe Braque, Jérôme Cinquant, Élie Sapie, Mes Aïeux et plusieurs autres. C'est la crise de panique à Amsterdam, Sao Paulo, Barcelone, Acapulco, Miami. Informations et réservations sur chansontadoussac.com. Prévente sur certains passeports jusqu'au 10 mai. Un soir sans cul. Une invitation de Desjardins. Sortie culturelle. Les bouquins d'abord vous présentent Sortie culturelle au Salon international du livre de Québec. Vous êtes toujours avec Pam Brink à la sortie culturelle au Salon du Livre de Québec. Je suis en compagnie de Daniel Grenier. Allô. Traducteur. Oui, en tant que traducteur. Oui, c'est ça, pas comme écrivain. Je t'ai invité pour ta traduction « Les enfants du printemps » de Wallace Thurman, un roman de 1932 qui est vraiment dans la Renaissance d'Harlem et que j'ai lu, sérieux, si j'avais pas su que c'est un vieux livre, je l'aurais lu comme un livre d'aujourd'hui. Il y a quelque chose de très actuel là-dedans, il me semble. Dans les sujets, dans les thèmes exact. Abordés, c'est effectivement dans les préoccupations de l'auteur. Ce sont des thèmes... Ben en fait, ça nous prouve à quel point non seulement ces questions-là de racisme, d'identité sont vieilles, ouais. mais en plus, elles sont toujours d'actualité. Ouais. T'sais, on dirait qu'il y a des choses qui n'ont pas évolué. Là. Et en même temps, c'est une communauté d'artistes, parce qu'on va placer ça un peu, une communauté d'artistes autour de Raymond, qui est, lui, l'écrivain de la gang, ouais. un des écrivains. Un peu l'alter ego, peut-être, de Wallace Thurman. Tout à en tout fait, cas, tout c'est fait. Ça, hein? j'ai bien compris ça. Mais c'est ce qu'on appelle un roman à clé, en fait. Les enfants du printemps, c'est un roman qui met en scène plusieurs personnages qui sont en fait des caméos ou des portraits fictionnalisés de camarades, de collègues, ouais. de consoeurs de Wallace Thurman. Et Raymond, le protagoniste, c'est plus qu'un alter ego, c'est un porte-voix en fait de la pensée de l'auteur. Là. Pour remettre les choses un peu en contexte, c'est-à-dire que c'est un roman américain. Hein, donc tu disais mm-hmm. la Renaissance de Harlem, c'est une période d'effervescence là, dans l'histoire littéraire américaine où les Afro-Américains ont eu pour la première fois, si on veut, accès de façon plus systématique à la publication dans les grandes maisons d'édition blanches new-yorkaises. Donc, ils se retrouvent avec, d'un côté, un immense intérêt un peu superficiel pour leur travail. Les Blancs recherchent une sorte d'exotisme hein, dans le travail. Parlez-nous de Harlem, de la jungle fever. Parlez-nous de la prostitution, des coups de feu, etc. On est en pleine prohibition, donc Harlem est très à la mode parce que les gens vont boire au nord de Manhattan. Il y a des cabarets et tout ça. Et donc, les Noirs sont à la mode. C'est une expression qui est utilisée dans le livre, qui est utilisée dans beaucoup d'essais, d'articles de cette époque-là. Ouais. Et de l'autre côté, ben, il y a les intellectuels afro-américains qui disent à leurs jeunes écrivains, ben, écrivez pas des trucs sur le primitivisme, sur l'exotisme, écrivez des romans bourgeois, là, t'sais, des romans de la classe moyenne qui montrent, qui vont montrer aux Américains blancs que nous, les Afro-Américains, on est des Américains comme les autres, en fait. Donc, ces écrivains-là, ils sont intéressants parce qu'ils se retrouvent dans un réel déchirement, en fait, entre plusieurs positions puis plusieurs contraintes qui leur sont demandées d'un bord et de l'autre. Et Wallace Stearman écrit pas un roman. J'ai pas choisi de traduire n'importe quel roman, tu sais. J'ai choisi le roman du gars qui écrit sur la Renaissance de Harlem. C'est un roman qui, à l'intérieur même du livre, parle de ça. Donc, on est non seulement en pleine effervescence, on est à la fin de la période. Ouais. Donc, c'est pas un roman d'espoir sur « Oh, mon Dieu, il se passe quelque chose d'intéressant pour nous, pour les Afro-Américains. » Au contraire, il s'est passé quelque chose qui était peut-être intéressant. On a raté le bateau, puis là, on est dans la désillusion totale. Donc, ben, c'est juste le côté... Je pense au personnage du chanteur d'opéra qu'on invite à lire, à chanter des spirituels. Eustace, ça, c'est pathétique. C'est un personnage très intéressant aussi qui représente de façon exemplaire ce déchirement dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que lui, il se considère comme un chanteur de répertoire classique. Raymond explique bien que sa seule chance de percer dans le sud de la ville, ben, c'est de chanter des chansons noires, des chansons des spirituals, du gospel, etc. Et il refuse totalement, parce que lui, il refuse de se considérer comme un chanteur noir. Comme un artiste noir. Il veut être considéré comme un chanteur. Artiste, point. Voilà. Ouais. Non, c'est vraiment fascinant. C'était quoi les défis de traduction? Parce que, je te dis, là, moi, je ne l'ai pas lu en anglais. Moi, la langue, ce que je lis là, la langue est moderne aussi. Tu sais, j'étais déjà lu, j'ai lu d'autres traductions de toi. Je suis sûre que tu n'as pas fait du détournement. Non. Fait qu'il y avait cette langue-là déjà en 32. Oui, il y a une... En fait, je dirais que les défis de traduction sont pas si grands que ça, dans la mesure où Wallace Stearman est un écrivain assez classique. C'est-à-dire que, à part dans les dialogues, là, la narration elle-même, c'est de l'anglais standard et tout, qui se prend au sérieux par endroits. Les dialogues, ça représentait un défi un peu plus grand. Mais sinon, je pense pas, tu vois, que je me serais permis de traduire un roman afro-américain rempli d'argot. Ou écrit avec de la jive harlemite et tout. Donc ça, j'aurais eu beaucoup plus de difficultés parce que les recherches et l'appropriation de la voix aussi est différente. C'est-à-dire que là, il y a une certaine distance avec le sujet qui se crée avec un langage comme celui-là, qui est un roman très classique, en fait. Là. Oui, absolument. Dans sa forme. C'est un roman qui est... Moi, j'aime ça le décrire comme un... pour les gens que ça peut intéresser, c'est pas un roman parfait. C'est un roman qui a beaucoup de défauts d'un point de vue narratif, d'un point de vue la psychologie des personnages, le récit lui-même qui parfois part en couille, part d'un côté et de l'autre. Oui, il abandonne des bouts Exactement. Et il revient. Donc on sent que Wallace Stearman n'a pas réussi à métaboliser tout à fait cette espèce de besoin d'écrire-là au cours de sa vie, qui est mort. Il est mort très jeune, et il est mort deux ans plus tard, à 32 ans. Et il en parle lui-même dans des essais qu'il a écrits ensuite. Le livre a voulu sortir de lui, mais il aurait peut-être dû attendre quelques années encore pour avoir plus pas nécessairement le talent, mais disons le recul pour écrire ce genre de truc-là. Mais tout ça pour dire que si c'est pas un roman parfait, pour moi c'est paradoxal parce que ça devient, par le fait même, peut-être le roman le plus intéressant d'un point de vue historique. C'est une percée historique, une plongée, pardon, sur l'univers précis de ces années-là. Puis si on veut savoir qu'est-ce que c'était d'être un artiste afro-américain en 1926-1927, ben c'est vraiment ce roman-là qu'il faut lire. Et c'est quand même un bon roman. Moi, j'ai lu ça avec beaucoup de plaisir. Ah, ben écoute, il y a des passages qui sont d'un cynisme magnifique. D'une drôlerie. C'est un humour noir extrêmement travaillé, puis très, très... Ben, qui fait sourire, qui fait rire, mais qui fait aussi grincer des dents à plusieurs endroits. Là. Toi, est-ce que tu vas être aujourd'hui chez Mémoire d'Encrier pour signer? Non, j'avais mes dernières séances hier, mais je suis par contre en tant qu'auteur au Cartanier. Donc, si les gens veulent venir me voir pour Françoise en dernier, je serai là vers 15h. Ouais. Merci, Daniel. Merci, Barbelle. De retour avec la sortie culturelle au Salon du Livre. Barbara Rinck au microphone, je suis avec Nicolas Giguère. Bienvenue à l'émission, M. Giguère. Merci de m'accueillir. Je vous ai invité pour le livre Quelqu'un, que j'avais lu avec beaucoup plaisir, qui était plus une envolée poétique. Ouais. Et là, Quelqu'un, c'est vraiment un récit où vous parlez d'un groupe d'amis homosexuels, bisexuels, qui vit à Saint-Georges-de-Beauce. Ouais. Ça fait que là, déjà, ça devient coloré. Moi, j'ai déjà vécu à Saint-Georges-de-Beauce, étant allemande, immigration récente. On rentre dans le dépanneur, on entend « C'est l'allemande! » Oui. Ça fait que j'imagine on a vécu des choses qui peuvent se ressembler quand on se sent pointé. Oui, la stigmatisation, le fait de se sentir pointé, nommé. Là, on est vraiment comme l'étranger, l'étrangère, l'étrange, même on pourrait dire, là, l'autre, finalement. Oui. Parce qu'on ne fait pas partie du groupe de référence, le bon son d'origine, on pourrait dire pure laine, né dans blanc, la place. Majoritairement. Francophone, catholique, hétérosexuel. Oui, oui, vraiment. Là, tous les traits dominants, identitaires, voilà. Oui. Vous avez écrit ça et est-ce que c'était. Avez-vous l'impression qu'il faut en parler de vivre son homosexualité en région? Parce que j'imagine que Saint-Georges peut être remplacé par Baie-Comeau ou par Val-d'Or. Ou à Amos, n'importe quelle ville régionale. Oui, absolument, il faut en parler. Il faut parler de l'isolement, de la solitude, du manque parfois de ressources, du manque. Je parle de l'envol, mais c'est à peu près tout ce qu'il y avait, en termes de lieux de sociabilité. Et j'étais étonnée que ça existait, et ça ne m'étonne pas que c'est un deuxième étage pour qu'on ne le voit surtout pas. Et... Cinquième, en fait. Cinquième? Oui, oui, oui. Ah, ils voulaient être vraiment sûrs qu'on ne le voit pas. Oui, c'est ça. Puis c'était, en fait, on le voyait, mettons, du centre-ville, du cinquième étage, il y avait comme, disons, un drapeau gay affiché dans la vitre, mais sinon, quelqu'un. On pouvait très bien passer à côté, même avec le drapeau, puis pas le voir. Il fallait vraiment lever les yeux d'abord. Et savoir que ce drapeau veut dire ce qu'il veut dire. Oui, parce qu'il y a ça c'est aussi. Pas donné. Non, absolument pas. Non. Donc, il fallait savoir que ça existait, puis il fallait savoir aussi où c'était, connaître les codes. Puis, donc oui, c'est ça, parler de la réalité, mettons, des minorités sexuelles en région, c'est l'isolement, c'est la solitude, c'est le manque d'endroits aussi où aller, ce qui explique justement que beaucoup vont choisir de migrer vers des villes comme Québec, comme Montréal, comme... Ce que j'ai trouvé vraiment très chouette, à un moment donné, il y a des personnages qui vont venir à Québec, en sortie, ici à la drague, pour finalement retourner vers le connu, à Saint-Georges, parce que c'est pas si facile de quitter. Non, aussi, il y a un certain déracinement. Il y en a qui vont le faire par, par le biais des études, du travail. Mais il y en a beaucoup aussi qui vont choisir quand même d'y rester, mais toujours justement d'avoir une vie sociale plus développée, que ce soit ici ou ailleurs, parce qu'il y a plus de possibilités, justement. Là, aujourd'hui, bon, je parle de l'Envol, mais c'est un lieu qui n'existe plus déjà depuis quand même plusieurs années. Et ça n'a jamais été, j'imagine, remplacé par une alternative? Non, non, là, il n'y a rien. Le cinquième étage, c'est vide. Je me demande même, bon, il y a des choses au rez-de-chaussée, mais ailleurs, moi, je ne serais pas surpris à un moment donné que ce soit un édifice qui soit mis à terre. Ou, parce que on sent que ce n'est pas pris en charge par la ville, c'est en train de devenir décrépit, c'est le même revêtement extérieur qu'il y avait déjà, là, disons, X années. Donc, il n'y a pas d'investissement. Et les personnages cherchent tous quelqu'un dans leur vie. C'est là qu'on se rend compte que quand le choix est très limité, qu'il y a d'autres critères que le coup de foudre qui s'installe. Ça, parlez-moi un peu de ça, parce que c'est quand même... en tout cas, pour moi, c'était comme... Pour moi, c'était clair que les homosexuels vivent les coups de foudre. C'est le premier élan, c'est quand même Ça, il y a le coup de foudre, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous aussi, étant donné dans une région, des fois, où il y a moins de possibilités, ben, c'est-à-dire, on va, je dirais pas vers le premier venu, mais vers ce qui s'offre, là, finalement. Donc, on met peut-être de côté ses idéaux, ses grandes idées, ses grands élans amoureux, puis on se dit, bon, ben d'accord, c'est ça ou c'est rien. Donc, c'est triste. Là, c'est ça. Donc, à un moment donné, ben, on peut choisir rien, dire je reste quand même fidèle à mon idéal, ou à ce moment-là, ben, on met de l'eau dans son vin, en quelque sorte, et puis bon. Mais il y a bien de l'eau, là. Des fois, c'est carrément c'est la débâcle comme au printemps, là, la chaudière, là, qui emporte tout avec elle. Ça fait que... avez-vous d'autres projets d'écriture? Parce que je sens qu'il y a quand même vraiment autour de l'homosexualité, vous êtes en train de pousser quelque chose, une réflexion qui sort des gros centres, des grands centres, où ça a l'air quand même relativement facile. Reste national, mais... On pourrait mettre des guillemets parce qu'il y a quand même... des réalités pas toujours faciles. De l'homophobie, il y en a moins qu'il y en avait avant. Il y en a encore. Qu'elle soit physique ou plus pernicieuse, plus difficile. Oui, j'ai d'autres projets d'écriture. Puis très lié justement à l'homosexualité encore, c'est plutôt en lien avec les... En fait, ça s'appelle Petites annonces. C'est inspiré justement de textes, descriptions de profils, en fait, d'hommes sur un site de rencontre. Donc, je reprends carrément des éléments, des énoncés, puis j'en fais des textes à peu près tels quels. Ça a l'air amusant. Moi, en tout cas, je m'amuse en l'écrivant. Je pense que je vais m'amuser à entre autres, mais j'ai d'autres projets aussi moins axés là-dessus. Je pense que l'homosexualité, oui, ça va toujours rester là. Mais à certains moments, peut-être plus en filigrane aussi. Puis c'est correct aussi, j'ai envie... toujours écrire le même livre, ce que je pense pas avoir fait non plus avec quelqu'un, c'est un autre angle. Mais j'ai envie aussi d'aller vers d'autres zones puis aller vers ça. Donc voilà. Écoutez, est-ce que on peut encore vous rencontrer chez Hamac? J'imagine que cet après-midi vous signez. De quelle heure à quelle heure? En fait, dans quelques minutes, de 13h30 à 15h, donc au Mon Dieu, là, j'ai pas c'est chez l'Immédia quand vous rentrez à droite. C'est vraiment, je pense, le troisième arrêt après Boréal. C'est Hamac. Tout de suite à votre droite, donc dans l'allée centrale. Et puis je vais là, donc si vous voulez venir me voir, ça va me faire plaisir. Merci Nicolas Giguère. On va faire une petite pause musicale et on vous revient. We'll be right back. On est dans les dernières secondes de l'émission Sortie culturelle en direct du Salon international du livre de Québec. Hey, Barbel, ça a passé vite. On a passé au travers. Oui. 7h30 de radio en direct avec 8 entrevues par jour. Oui. Ça nous fait 40 entrevues à peu près. Écoute, on invite tout le monde. Si vous avez manqué des émissions, c'est sur la page d'accueil de CKRL. Vous trouvez tous les podcasts sont là. On a rencontré vraiment du monde généreux qui nous a parlé de leur livre, de leur démarche. C'était vraiment chouette. Et là, c'est déjà presque le moment où il faut remercier des gens. Un grand, grand, grand merci d'abord à la mise en onde. Sans vous, on ne serait pas là. Merci Simon Roy à la mise en onde ici sur place, à Mélanie Florent à la station pendant 7,5 heures, elle aussi. Merci Julie. Ben moi, je m'en allais dire merci, Barbel. En fait, merci. Ça a été un charme de faire l'émission avec toi cette année. Les autres années, j'avais fait quelques chroniques pendant l'émission. Puis je suis là quand même à l'émission Les bouquins d'abord, ouais. L'émission régulière qu'on fait ensemble. Je suis là toutes les semaines. Mais c'est ça, là, c'était chouette de pouvoir séparer avec toi les entrevues cette fois-ci. Ça m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort pour beaucoup oui, d'entrevues. J'ai été faite lire du polar. Ouais, on m'a fait vraiment contente. Et j'ai aimé ça. Oui, c'est ça qui est plus merveilleux. Demain, émission Les bouquins d'abord à 18h30. Oui. On annonce quand même toujours la prochaine. C'est Olivia Vu qui va animer une émission jeunesse. Oui. Hein, toi, tu vas être moi, là, je suis encore la là. Courageuse. Moi, je vais être au repos. Ouais, je suis bien contente. Moi, je serai ça. Je serai là. Et évidemment, j'invite tout le monde à rester à l'écoute parce que l'émission est suivie d'une autre sortie culturelle et celui-ci au Festival de BD animé par Raymond Poirier. Et ça fait que ça a l'air autre chose, mais il va prendre ma chaise, il va continuer à jaser, mais cette fois-ci avec des auteurs de BD. Bonne journée. Bonne journée. Les bouquins d'abord vous ont présenté Sortie culturelle au Salon international du livre de Québec. CKRL 89.1.